à l'image de Kepler, ne s'est jamais émerveillé devant un simple flocon de neige déposé par le vent sur la manche de notre manteau, éphémère structure géométrique si délicate. Tant de beauté dans une chose si petite, aurait même pensé le mathématicien et astronome allemand au point de chercher à en comprendre la nature et la structure. 5 siècles plus tard, la façon précise dont s'organisent les multiples variants des flocons de neige n'est pas encore totalement comprise. Néanmoins, des modèles mathématiques affinés régulièrement depuis en proposent une approche d'explication. C'est de cela et de bien d'autres choses dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité. Etienne Gis, les maths montées en neige, c'est le programme symétrique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réactions sont attendues sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. À quoi servent les controverses scientifiques ? Voilà, cette voix est sans doute familière à bon nombre d'entre vous. C'est celle du camarade Michel Albert-Ganti, journaliste, producteur de Science Friction que vous venez d'entendre ici dans Science Publique de 2003 à 2016 sur France Culture et dont nous avons appris la disparition ce matin. Je me souviens, moi, de la première fois où j'ai rencontré Michel. Nous sommes retrouvés pour parler de ce qui allait devenir la méthode scientifique. J'étais, il faut le dire, très impressionné de rencontrer celui que j'écoutais depuis plusieurs années, dont j'appréciais le travail de vulgarisateur précis, généreux, engagé, dont je devais prendre le relais. J'étais donc évidemment très impressionné et Michel a été immédiatement incroyablement chaleureux. Il s'est penché avec beaucoup de bienveillance sur ce projet. Il l'a amendé, il l'a amélioré. Nous en avons longuement discuté et il a accompagné mes premiers pas dans cette nouvelle émission qui était la méthode scientifique. Et puis Michel a répondu présent également pour prendre le micro de la méthode en mon absence. Voilà, vous ne le saviez sans doute pas, mais la méthode scientifique doit beaucoup à Michel Albert-Ganti, à sa gentillesse, à son professionnalisme. Michel était un formidable vulgarisateur, c'était un mec bien. Cette émission est un peu la sienne. Sa disparition nous touche beaucoup dans l'équipe et à France Culture. Évidemment, toutes nos pensées les plus affectueuses et nos condoléances vont à sa femme, à sa famille et à ses proches. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de mathématiques, vulgarisation et flocons de neige avec notre invité Etienne Gis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette heure. Vous êtes mathématicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, directeur de recherche CNRS affecté à l'unité de mathématiques pures et appliquées à l'ENS Lyon et l'INRIA. Vous avez publié La petite histoire des flocons de neige chez Odile Jacob. On va parler de ces flocons de neige, mais on va parler beaucoup plus largement des mathématiques, de la place des mathématiques dans la culture scientifique et dans la culture tout court. Mais on commence, eh bien comme chaque jour, avec le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal, Natacha, avec la découverte en France d'un os du genre homo vieux de 450 000 ans. Oui, il s'agit d'un tout petit fragment d'os, un morceau d'à peine 6 cm, qui a été découvert il y a 18 ans dans la célèbre grotte de Totavel, dans les Pyrénées-Orientales, un site majeur de la préhistoire. Ce fossile provient des strates qui sont datées à 450 000 ans. Alors cela a été compliqué de l'identifier car d'une part, impossible d'analyser son ADN. Au-delà de 80 000 ans, il est difficile d'extraire de l'ADN ancien. Et d'autre part, ce fossile est très fragmentaire. La difficulté, quand on a un fragment, c'est d'identifier clairement l'os. Ici, les analyses morphologiques prouvent qu'il s'agit d'un péroné et que sur les 122 espèces fossiles présentes dans cette grotte, cet os ne peut appartenir qu'à une seule espèce animale, celle du genre Homo. Amélie Vialet est paléo-anthropologue et maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle est impliquée dans l'équipe de recherche de Totavel. Découvrir un reste humain aussi ancien, c'est forcément une découverte importante. Ça vient toujours compléter en fait les différentes pièces de puzzle qu'on a déjà. C'est une pièce supplémentaire qui donc nous permet de mieux comprendre la morphologie de ces hommes d'un passé assez lointain. Alors finalement, on n'a pas beaucoup de restes humains de 450 000 ans en France. Ces hommes, à l'époque, ne pratiquent pas encore la sépulture, donc l'enfouissement volontaire en terre de leurs morts, ce qui fait que la préservation, en fait, de ces squelettes n'est pas garantie, comme ça sera le cas, en fait, sur une période plus récente, à partir de 100 000 ans. C'est une pratique de Néandertal, comme des premiers Homo sapiens. Donc, en fait, dans ces cas-là, si on retrouve les individus en sépulture ou enfouis dans le sol, ils sont bien préservés. Finalement, on a une chance que ces populations, en tout cas sans doute à Totavel, ces populations pratiquaient sans doute cette anthropophagie qui fait qu'elles ont laissé les restes du squelette de leurs comparses dans les mêmes conditions que les ossements d'animaux et donc de ces animaux qu'ils ont consommés sur place. Donc ça permet évidemment aux archéologues que nous sommes de découvrir non seulement les témoignages de leurs activités donc de taille de la pierre, de consommation des animaux, mais également, puisqu'ils se sont sans doute consommés entre eux, et bien d'avoir les fossiles, donc les restes du squelette de ces hommes de 450 000 ans, ce qui nous intéresse d'un point de vue des pratiques, mais nous intéresse évidemment au niveau de la morphologie et donc de l'évolution morphologique de ces hommes au cours du temps. Et voilà, pour en savoir plus, pour retrouver les études dont il est question dans le Journal des Sciences, mais plus généralement de la documentation autour du Journal des Sciences et de l'émission, c'est comme tous les jours sur notre fil Twitter, @laméthodefc. On passe au bref. Selon plusieurs prépublications parues sur le site MedArchive, les enfants de femmes vaccinées contre le Covid-19 pendant la grossesse portent les anticorps contre le virus. Oui, ce sont les résultats préliminaires d'une prépublication américaine sur une soignante enceinte et une prépublication israélienne sur une vingtaine de femmes. Il semblerait que la vaccination pendant la grossesse offre une protection aux nourrissons. Les analyses sanguines des enfants et celle du cordon ombilical au moment de la naissance montre que le transfert des anticorps contre le SARS-CoV-2 passe la barrière placentaire. Un transfert immunologique mère-enfant est donc peut-être possible. Reste à savoir si ces anticorps néonatales protègent les nouveau-nés du virus. Selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Astronomy and Astrophysics, les astronomes ont mesuré pour la première fois les vents de la stratosphère de Jupiter. Grâce au télescope ALMA, une équipe internationale a réussi à mesurer la vitesse des vents dans la moyenne atmosphère de la géante gazeuse. Alors pour cela, les chercheurs ont suivi les molécules provoquées par l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 en 1994. Il se trouve que les vitesses des vents jupitériens peuvent atteindre les 1450 km/h. C'est trois fois plus fort que les tornades que l'on observe sur Terre. Les chercheurs parlent d'un monstre météorologique unique dans notre système solaire. Et enfin, toujours en météo spatiale, sur Mars, le rover Perseverance de la NASA a photographié son premier tourbillon de poussière. Et le rover est toujours en phase de test. Il n'a pas encore commencé sa mission que déjà, il nous rapporte des mines d'informations. Alors qu'il testait sa Supercam, l'instrument conçu par le CNES, il a photographié le passage d'une tornade martienne. Ces tourbillons sont assez fréquents sur Mars. Les rovers Curiosity et Opportunity en ont déjà observé. Ces vortex peuvent atteindre les 8 km de hauteur, contrairement à leurs homologues terrestres qui, eux, sont haut d'une dizaine de mètres, ces tornades nous permettent de mieux comprendre le climat et les conditions atmosphériques de cette planète. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le journal des sciences de la semaine. Étienne Gis, je vais pas vous appeler du nom de votre fils qui est un camarade que je salue par ailleurs. Étienne Gis, un mot, c'était dans le journal des sciences hier, le prix Abel 2021. Alors pour justifier cette notoriété, on dit que c'est le prix Nobel des mathématiques. Bon, il y a la médaille Fields aussi. Enfin, en tout cas, c'est un prix très prestigieux en mathématiques qui a été remis hier à deux mathématiciens, Laszlo Lovász et Avi Wigderson. Un mot sur ce prix Abel, sur leurs travaux. Moi, j'aime beaucoup ces deux mathématiciens et en particulier Lovász. Et ça peut permettre un peu d'introduire notre discussion, puisque Lovász est d'abord un grand spécialiste des grands réseaux. C'est un mathématicien exceptionnel qui est à la limite entre les mathématiques et l'informatique. J'ai lu plusieurs de ses articles, on pourrait en parler pendant des heures si vous voulez, mais je crois pas que c'est le but de la journée. Mais en revanche, il a écrit un article qui m'a beaucoup influencé sur l'enseignement des mathématiques. Il fait partie de ces grands mathématiciens qui a été président de l'Union mondiale des mathématiques et qui a eu une réflexion profonde sur le futur de l'enseignement des mathématiques. C'est une question majeure. Et en particulier sur qu'est-ce qu'un chercheur en mathématiques, qu'est-ce que quelqu'un comme lui, qui est au pouvoir, de création de mathématiques, comment est-ce qu'il peut influencer ou pas l'enseignement des mathématiques à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'école primaire ou de l'enseignement supérieur. Bien, ça va être un autre sujet de conversation, Étienne Gis, cette question de l'enseignement des mathématiques à l'école, mais également de la vulgarisation des mathématiques, puisque c'est vrai que vulgariser les mathématiques, et notamment à la radio, nous y sommes testés à plusieurs reprises, c'est pas une chose aisée. Ah bon ? Mais non, mais pourquoi d'ailleurs ? Alors pourquoi est-ce que c'est pas une chose aisée ? Parce que dans d'autres pays, les mathématiques sont bien plus incluses dans la culture scientifique et dans la culture tout court, hein, mais il est vrai qu'en France, ça coince un peu plus. La faute, selon vous, cher Étienne Gis, à l'enseignement donc des maths modernes, dont vous dites vous-même un rescapé. La France aurait ainsi fait dans les années 30 le choix de l'abstraction et de la déconnexion du concret, et c'est ce choix-là que nous serions en train de payer aujourd'hui. Vous allez nous en dire plus dans un instant. La preuve en est en tout cas que les maths, ça peut partir d'un objet tout simple, comme un flocon de neige, c'est le livre que vous publiez. Les maths, ça peut tendre des passerelles vers d'autres disciplines scientifiques, comme la physique en l'occurrence, n'en déplaise aux puristes. Et d'ailleurs, les maths se fondent dans toutes les autres sciences, comme l'explique Maurice Labbé, qui est professeur de maths à l'Université Laval de Montréal. Nous sommes en 1962, et c'est notre archive du jour. En quoi une proposition mathématique diffère-t-elle d'une proposition empruntée aux sciences expérimentales? S'agit-il d'une différence essentielle ou tout simplement d'une différence de degré dans la possession de certaines propriétés? Les relations étroites que les mathématiques ont toujours entretenues avec les sciences de la nature n'ont pas toujours aidé à répondre clairement à ces questions et à établir les distinctions qui s'imposent. En premier lieu, il faut reconnaître qu'à l'origine, plusieurs branches des mathématiques ont été en fait des sciences empiriques. Par exemple, la géométrie est née comme une espèce de physique généralisée de l'univers qui nous entoure. De même, l'arithmétique et la théorie des nombres ont utilisé à leur début la méthode même des sciences expérimentales. En deuxième lieu, il convient de remarquer que les plus importantes inspirations des mathématiques sont venues des sciences de la nature. Ceci est clair pour la géométrie, mais l'exemple le plus frappant est sans doute le calcul différentiel et intégral dont les concepts fondamentaux ont été élaborés au XVIIe siècle par Newton et par Leibniz, qui cherchaient alors à résoudre des problèmes de mécanique. Encore aujourd'hui, et il en sera sans doute toujours ainsi, les sciences expérimentales, en proposant aux mathématiciens leurs problèmes, forcent celui-ci à créer des notions, à élaborer des théories qui deviendront par la suite sans doute très abstraites et très générales, mais qui auront eu leur source, leur motivation initiale, dans l'étude de la réalité physique. En troisième lieu, notons l'aspect utilitaire des mathématiques. C'est probablement là l'aspect le plus notoire de nos jours concernant les relations des mathématiques avec les autres sciences. Aujourd'hui, comme chacun sait, le champ d'application des mathématiques s'est considérablement élargi. Non seulement les sciences physiques, mais les sciences humaines trouvent dans les mathématiques le langage idéal pour formuler leurs théories et en expliciter les conséquences. Voilà, Maurice Labbé, professeur de mathématiques à l'Université Laval de Montréal. Commentaire libre, Étienne Gis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste faire un petit commentaire par rapport à ce qu'on disait précédemment. Il faut bien entendu qu'au niveau de la recherche mathématique, le travail d'un tout petit nombre de mathématiciens, il est important qu'il y ait un travail des mathématiques pour les mathématiques et qu'il y ait ce caractère abstrait, éventuellement difficile, éventuellement confidentiel. Ce dont je parlais, c'était du rapport entre les mathématiques et le grand public, et les gamins, comment on parle de mathématiques au collège, comment on parle de mathématiques au lycée. Ça, ce sont des choses qui m'importent et pour lesquelles je pense en effet que le lien avec le concret est extrêmement important, comme on vient de l'entendre. Je suis 100% d'accord avec ce que je viens d'entendre. On en rediscutera à l'occasion de quand on va discuter de votre livre consacré justement à cette énigme mathématique des flocons de neige. Un mot tout de même pour poursuivre cette conversation, Étienne Gis. Vous dites que vous êtes un survivant des maths modernes, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, moi, je fais partie d'une génération où tout à coup, tous les programmes ont changé et tout à coup, l'abstraction est arrivée dès le plus jeune âge à l'école. Et je me souviens que la plupart de mes copains n'y comprenaient à peu près rien à ce qui se passait dans les cours de maths. Et si j'osais le dire, je crois que mon prof non plus n'y comprenait rien. Parce qu'il faut penser aussi à ces pauvres professeurs qui, tout à coup, avaient enseigné pendant des années la géométrie de mon papa. Et tout à coup, on leur dit qu'il n'y a plus de triangle, il n'y a plus de triangle rectangle, il n'y a plus de ceci, de cela. Ils sont obligés d'enseigner des diagrammes de Venn ou des choses tout à fait abstraites. Beaucoup de professeurs ont eu beaucoup de souffrance à cette époque. Donc quand je dis que je suis rescapé, c'est que peut-être que je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je suis fait comme ça. Pour moi, c'était un bonheur. C'est un bonheur et je suis rescapé, c'est peut-être pas le mot. Je suis heureux d'avoir subi ce traitement, mais je suis en même temps conscient du fait que mes petits camarades, ils en ont bavé. Ils en ont bavé un peu. C'est intéressant parce que vous parlez justement de l'enseignement. Vous rendez beaucoup hommage aux professeurs de mathématiques, à leur art de la transmission. Vous dites vous-même que c'est assez jeune. Hein, c'est un instituteur de CM2 qui a soumis une énigme à la classe et vous avez senti une connexion. Ça a éveillé quelque chose chez vous. Donc c'est essentiel. C'est la première étape, le premier maillon du lien vers les mathématiques, les profs, l'enseignement. Que serions-nous si on n'avait pas eu des instits? Que serions-nous? Mais pas seulement en maths, dans toutes les disciplines. Et bon, dans mon cas présent, j'ai eu la chance d'avoir 3 ou 4 professeurs à des niveaux variés, en CM2, en 4e. C'est pas la peine que je vous raconte tout ça, mais je vais pas vous raconter. On peut en discuter, ma vie. Mais je trouve que c'est très très important, c'est même vital dans sa formation intellectuelle, de rencontrer dans sa vie quelques professeurs qui allument une petite flamme. Mais la flamme, elle peut être mathématique, elle peut être physique, elle peut être littérature, elle peut être, si possible, tout ensemble d'ailleurs. Bien entendu, mais pour qu'il y ait ces professeurs-là, encore faut-il que la flamme ait été allumée chez eux, bien aussi sûr, dans l'enseignement des mathématiques. Et une question que j'aimerais vous poser, Étienne Gilles, c'est vrai que, et je vous le dis vraiment en constatant après 5 ans d'émission, qu'on a du mal, comme je le disais, c'est difficile de vulgariser les mathématiques, c'est difficile de les vulgariser à la radio, qui plus est, sans support. On a essayé, on s'est cassé le nez quelques fois, et on a eu quelques réussites. On peut rendre grâce au camarade Roger Mansuy qui nous a aidé, qui est un très bon transmetteur et un très bon vulgarisateur. Comment ça se fait que c'est si difficile? Comment vous le comprenez? Comment vous l'expliquez? Donnez-nous des trucs en fait. La première difficulté, c'est le langage. Donc la langue mathématique est un peu particulière. Elle est parfois fondée sur des mots qui n'ont pas le même sens que le sens qu'on leur donne dans la langue de tous les jours. Donc il y a cette difficulté. Et puis la deuxième difficulté majeure, on vient d'en parler à l'instant, c'est l'abstraction. Le mathématicien a tendance à parler de choses qui n'existent pas dans la réalité. Comme on l'entendait tout à l'heure dans le commentaire, il s'inspire de la réalité, mais il extrait de la réalité une abstraction qui peut repousser les gens. Ça veut dire qu'il faut, pour vulgariser, s'appuyer plus sur des mathématiques plus appliquées, c'est-à-dire les contourner, ça veut dire qu'il faut pas vulgariser ou il faut ne pas avoir peur des mathématiques, ou avoir peur, au contraire, trop peur des mathématiques pures. Je vais vous donner un exemple qui est la raison pour laquelle vous m'avez invité aujourd'hui. Il est évident que si je devais vous parler des mathématiques qui m'intéressent vraiment, celles qui m'empêchent de dormir la nuit ou celles qui me font travailler au jour le jour, qui sont fatalement extrêmement techniques, extrêmement difficiles à expliquer, qu'un tout petit nombre de personnes sur la planète peuvent comprendre. Vous travaillez sur l'équilibre en tendant vers l'infini des systèmes planétaires. Ça, c'est assez facile à comprendre. Ça, non, c'est déjà un mensonge quand je dis ça. Ah. Parce que ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les systèmes dynamiques dans leur abstraction. Et quand on me dit c'est quoi les systèmes dynamiques, je suis forcé de vous mentir un peu en donnant un exemple un peu concret, les systèmes planétaires. Mais pour vous dire la vérité, mais vous le répéterez pas, je m'en fiche des systèmes planétaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'abstraction du mouvement. Qu'est-ce qu'une dynamique dans son abstraction? Alors si on me force à dire... Si vous faites un bras de clé maintenant, exactement, pour vous obliger à parler de ce alors sur là, quoi vous travaillez... Je ne trouve pas d'autre chose que dire, bah oui, par exemple, les planètes, bien ou sûr, un autre exemple, la météorologie. Mais je ne suis pas météorologiste. Bien sûr. Mais pourtant, ce qui m'intéresse peut peut-être avoir des applications pour la météorologie, pour la mécanique céleste. Je l'espère qu'elle en aura, mais ce n'est pas mon job. Bien sûr. Mais ces analogies, Étienne Gilles, on les fait tout le temps. On a recours à l'analogie en permanence. On s'en servait ici pas plus tard qu'hier pour parler de physique, pour parler de chimie, parler de biologie. On a besoin d'analogie aussi. Donc finalement, l'analogie, c'est pas propre aux mathématiques. Elle est peut-être un peu plus difficile à vivre pour un mathématicien parce qu'il a un peu le sentiment d'être un traître. C'est-à-dire un traître à ma communauté. Pourquoi? Prenons l'exemple des flocons de neige. Les flocons de neige, je vois ça comme quelque chose de très joli, qui suscite de jolies questions de mathématiques, des jolies questions de physique. Mais pour être 100% honnête avec vous, j'ai un peu le sentiment de ne pas parler vraiment des questions mathématiques qui peuvent intéresser la communauté des mathématiciens. Donc je suis un peu... Le mot traître est un peu exagéré. Non, vous êtes un vulgarisateur. Voilà, vous adressez en dehors de... Parler en dehors de sa communauté, ça n'est pas faire œuvre de trahison, Étienne Gis. J'aimerais bien que tous mes collègues pensent comme vous. Donnez-leur mon adresse mail et moi je veux bien leur écrire. Parce que c'est l'un des problèmes de la vulgarisation en mathématiques. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je ne crois pas que c'est la même chose dans d'autres disciplines. C'est que la communauté mathématique a un peu de mal à accepter le travail des vulgarisateurs. Ils ont tendance précisément à penser qu'on affaiblit le message en parlant de flocons, par exemple. C'est-à-dire que vous... Mais là aussi, alors je fais l'avocat du diable, hein, c'est mon job, Étienne Gis, mais dans toutes les disciplines scientifiques, quelles qu'elles soient, il y a toujours des tenants de la ligne puriste qui, en général d'ailleurs, ne se déplacent pas forcément pour venir parler de leurs travaux à ce micro. C'est normal, ça fait partie d'une communauté de chercheurs, et c'est bien que ces gens-là existent aussi pour tenir une ligne un peu... on va dire élitiste, je ne sais pas, je vous laisse la qualifier. Mais regardez les informations scientifiques qu'on a entendues tout à l'heure, toutes les trois, on a trouvé un petit bout d'os, ça on peut l'expliquer, on a trouvé que le vaccin traverse la barrière chez les fœtus, ensuite j'ai oublié le troisième, mais enfin... Beaucoup de sciences sont plus directement explicables. Par exemple, un astronome, tout à l'heure on parlait justement du vent sur Jupiter ou je ne sais pas quoi. Des tourbillons sur Mars. C'est tellement... tourbillons sur Mars, je n'avais pas écouté comme il faut. <C'est> J'écoutais pas. Donc, je prendrai la copie à la sortie, ça va se passer. Non, mais il y a toujours cette difficulté que souvent, l'objet dont on parle dans une science est plus difficilement accessible pour un mathématicien. Du coup, vous disiez, Étienne Gis, je le citais tout à l'heure dans mon introduction, que cette difficulté avec les maths, c'est une difficulté française, que c'est moins le cas dans d'autres pays. Alors, ça se passe comment ailleurs ? Alors, il faut d'abord reconnaître que souvent les gens n'ont pas conscience de ça. C'est que il existe diverses cultures mathématiques qui sont le plus souvent liées à des histoires variées. L'histoire des mathématiques en France est très riche, très complexe, passionnante. Mais c'est pas du tout la même histoire que l'histoire des mathématiques en Union soviétique, par exemple, ou aux États-Unis. Donc ça, à chaque fois, il y a un point de vue qui est différent. Par exemple, si vous regardez comment c'était du temps soviétique, où les mathématiques florissaient de manière extraordinaire, mais c'était toujours en connexion étroite avec la physique et avec les sciences de la nature. Par exemple, le très très très grand mathématicien Arnold, qui aimait bien faire des petites piques comme ça, disait la mathématique n'est qu'un chapitre dans la physique. Voilà, un exemple. Hein. Alors ça, c'est en France, on ne dit pas ça. En France, on ne dit pas ça. Donc il y a une culture différente. En France, nous avons eu... un 19e siècle prodigieux, avec des mathématiciens exceptionnels. Et puis au cours du 20e siècle, il y a eu cette tendance à l'abstraction, en particulier avec l'éclosion de ce fameux groupe Bourbaki, qui a tendance à tout placer les mathématiques dans une chaîne complètement ordonnée de A à Z, où tout s'explique à partir de ce qui a été expliqué précédemment. C'est absolument merveilleux. Ça a été fondamental pour le développement des mathématiques au XXe siècle. Mais ça projette une vision française des mathématiques très abstraite et rarement liée au contexte. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Je vous en prie. Voilà. Un jour, deux très grands mathématiciens discutaient entre eux. L'un d'entre eux était Jean-Pierre Kahan. Jean-Pierre Kahan était un mathématicien qui était très proche de l'enseignement. Et il dit à l'autre, je pense que les matheux ont perdu le contact avec la société quand on a retiré des programmes scolaires l'enseignement de ce qu'on appelait dans les années 50 la cosmographie. C'était quoi la cosmographie ? C'est qu'on apprenait aux gamins les phases de la Lune, les planètes, leurs trajectoires, etc. On apprenait ça au collège. Et qui enseignait ça ? Le prof de maths. Et puis un jour, dans les années 60, je crois, on a supprimé ça des programmes. Et Jean-Pierre Kahan disait, c'est ce jour-là, en gros. Hein. C'est ce jour-là qu'on a perdu contact avec que les enseignants, que les maths ont perdu contact avec la société. Et puis, l'autre mathématicien prestigieux qui discutait avec Jean-Pierre Kahan l'a interpellé vertement en disant « C'est normal, c'est pas des maths. » Et toute la question est là. Est-ce qu'au collège, on peut expliquer aux enfants ce que sont les phases de la Lune ? Et à cette occasion, de voir ce qu'est une ellipse, ce qu'est une sphère, ce qu'est un rayon lumineux, ce qu'est une ombre. Tout ça, pour moi, fait partie des maths et aujourd'hui ne fait plus partie du programme de mathématiques. C'est intéressant parce que vous dites vous-même, Étienne Gis, qu'il vous a fallu du temps pour voir, pour distinguer dans l'ensemble de l'enseignement scientifique ce qui relevait à proprement parler des mathématiques. C'est-à-dire que vous mélangez un peu tout, les maths et la physique, et c'est en maths sup que vous avez commencé à vous dire, finalement c'est ça qui m'intéresse, c'est les maths, c'est l'abstraction. Comme beaucoup de mathématiciens, ou comme beaucoup de scientifiques, notre système scolaire est tel que quand on est bon à l'école, c'était mon cas, j'étais un petit gamin qui était bon à peu près partout, en fait, les choix ne se font pas positivement, mais plutôt négativement. Quand j'ai compris que j'étais nul en allemand, j'ai oublié l'allemand. Et puis, quand j'ai compris que j'étais pas bon en biologie, j'ai supprimé la biologie. Et puis finalement, je me suis rendu compte que il a fallu attendre assez longtemps avant de comprendre que, en fait, j'adorais la physique, mais c'est pas la physique que j'aimais. Mmh. C'était les mathématiques qu'il y avait dans la physique. Et donc voilà, donc le choix que j'ai fait est un peu négatif en quelque sorte. C'est une question qu'on s'est posée à plusieurs reprises à ce micro et on a entendu parce qu'on s'est déjà demandé, on avait consacré une émission à la difficulté d'apprendre les mathématiques en France. Est-ce qu'il faut revoir l'enseignement des mathématiques ? Et un certain nombre de vos confrères et de vos consoeurs finalement regrettent que les mathématiques soient devenues une discipline de sélection. C'est-à-dire que finalement, on n'apprend plus les maths pour les maths, mais on apprend les maths parce que c'est la discipline de sélection aujourd'hui, comme ce put être le latin hier. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été les mathématiques. Est-ce que, à votre avis, c'est un handicap aujourd'hui des mathématiques, Étienne Gis ? Bah évidemment, évidemment. Que dire on peut pas dire le contraire. Je ne peux que regretter ça. Souvent, il y a une espèce d'analogie entre adéquation entre être bon en maths et être intelligent, ce qui est une grande bêtise, quoi. Alors une autre question et puis on reviendra à d'autres de vos professeurs dont vous parlez, c'est des choses que je trouve assez jolies et que j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre. On parle de l'enseignement des mathématiques, on parle de culture scientifique, la science est partie intégrante de la culture, écrivez-vous. France Culture, c'est évidemment notre créneau, donc vous êtes au bon endroit. C'est pour ça que vous m'invitez. Entre autres, pas que pour ça, pour la discussion passionnante que nous sommes en train d'avoir. Mais c'est vrai que à l'intérieur de cette culture scientifique, hein, que certaines personnes ont du mal d'ailleurs à considérer comme une part de la culture, ce serait quelque chose d'un peu à part. Peut-être que ça peut expliquer aussi le fait de la faible place de la science dans la société ou dans les médias, bref. Mais ça, c'est un autre débat. À l'intérieur de cette culture scientifique, on a le sentiment que les mathématiques sont un peu à part. Est-ce que, à votre avis, il y a une culture scientifique mathématique qui fait partie de la culture et comment est-ce que vous la définiriez ? Alors, il y a une culture mathématique pour les mathématiques, c'est indiscutable. Il y a une culture scientifique pour la science, c'est indiscutable, mais ce serait bien dommage d'éviter de dresser des ponts entre les deux. L'une des choses qui, moi, me rend un peu triste, c'est que dans le vocabulaire éducation nationale, il y a d'un côté les sciences et de l'autre côté les mathématiques. C'est-à-dire qu'au niveau de l'éducation nationale, on considère que les mathématiques ne sont pas une science. L'explication... Comment ça, on considère que les mathématiques ne sont pas une science ? Que c'est quelque chose d'à côté, finalement. Oui, bien sûr. Si vous regardez les programmes, vous allez voir, il y aura le programme pour l'enseignement des sciences, et puis il y aura le programme des mathématiques. Et on considère que ce n'est pas la même chose. Et l'argument principal étant que, et c'est un peu vrai, que pour beaucoup, les sciences sont fondées sur l'expérience. Hein ? La science doit avoir un côté expérimental. Et tout à l'heure, ce qu'on entendait dans votre reportage montrait que, en effet, les mathématiques n'ont pas directement un côté expérimental, mais elles se nourrissent de l'expérience. Et en ce sens, c'est aussi une science. Donc voilà. Donc je pense que c'est très important de constater qu'au niveau de l'éducation, l'éducation nationale, mais l'enseignement en général, je pense qu'il faut un mix entre mathématiques et sciences. Pour vous donner un exemple très simple, moi, un souvenir ému que j'ai quand j'étais en classe de sixième, c'est que le professeur de mathématiques nous avait fait sortir de la cour de récréation et on avait mesuré la cour, on avait calculé sa superficie, on avait avec des mètres, et puis on s'était rendu compte que les uns et les autres n'avaient pas les mêmes mesures et qu'on a compris que c'était qu'une erreur et on a calculé que des mètres carrés, des décimètres carrés, puis la cour n'était pas parfaitement rectangulaire et on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour mesurer la superficie d'un quadrilatère qui n'est pas vraiment un rectangle, etc., etc. Donc il y a là un côté expérimental dans la prise de conscience de la mesure, de l'expérience, qui était enseigné par mon prof de sixième de mathématiques. Et on va continuer, on va poursuivre cette conversation parce que est-ce que il faut, c'est aussi une question qui s'est posée et qui, à titre individuel, me paraît être une piste intéressante, réintroduire de l'histoire des mathématiques dans l'enseignement des mathématiques. Parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que je me suis pas penché précisément sur les programmes scolaires, mais j'ai l'impression que l'histoire des mathématiques est relativement passée sous silence, alors qu'elle est assez passionnante. Oui. Est-ce que ça fait partie, selon vous, Étienne Gis, de quelque chose qu'il faut remettre, réintégrer dans le programme de maths ? Alors, réintégrer, bien sûr. Mais... je fais toujours attention quand on dit il faudrait ajouter ceci, il faudrait ajouter cela. Quand on ajoute ceci, on ajoute cela, il faut dire en même temps qu'est-ce qu'on retire. Alors qu'est-ce qu'on retire ? Ben voilà, qu'est-ce qu'on retire ? Alors je sais qu'une fois, par exemple, j'avais eu le culot d'écrire un petit article qui avait mis en colère pas mal d'enseignants. Ils avaient peut-être raison. J'avais fait une espèce d'article contre le théorème de Pythagore. Hein, parce que le théorème de Pythagore, c'est un peu le symbole de ce qu'on apprend en mathématiques, en géométrie. Et la vérité, c'est que, me semble-t-il, le théorème de Pythagore, il sert à rien dans la vie de tous les jours, sauf à quelques architectes, peut-être. Bon. Et j'avais essayé d'expliquer que le théorème de Pythagore, je m'en fiche complètement. Mais ce qui m'importe, c'est sa démonstration. Et je trouve que la chose importante, c'est pas le théorème par lui-même, c'est savoir pourquoi il est vrai. Puisqu'on parle d'histoire des sciences... essayer de comprendre les diverses démonstrations du théorème de Pythagore au fil des âges, c'est tout à fait passionnant. Et je trouve que c'est un exemple intéressant aussi, puisque si on s'y prend bien, je sais que c'est difficile, hein, tous les enseignants me disent que je rêve. J'aime bien rêver, c'est bon. Mais c'est quand même... Il paraît que les mathématiciens sont des rêveurs. Hein, oui, si vous voulez, exactement. On passe par les topos voilà, du genre. Voilà, mais je vais vous dire, une chose qui me semble très intéressante, tous les enseignants disent, par exemple d'histoire, sont souvent un peu perturbés par le fait que souvent leurs élèves ne les croient pas. Si un prof d'histoire parle de la Shoah, il va fatalement avoir des élèves dans sa classe qui vont mettre en doute la parole du professeur. Et il me semble que les profs de maths ont une grande chance. C'est que si vous me donnez un quart d'heure et que je vous explique la démonstration du théorème de Pythagore, après vous ne me direz pas qu'il est vrai parce que Étienne vous l'a dit, vous le saurez parce que c'est vrai, parce que vous le saurez vous-même. Vous aurez acquis une vérité au sens strict du terme. Et je trouve que dans la période qu'on vit actuellement, avec toutes ces fake news, avec tous ces Twitter, avec toutes ces choses abominables, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ça fait du bien de savoir que le théorème de Pythagore est vrai. Mais savoir son énoncé, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est au moins de pouvoir s'accrocher sur quelques petites vérités qui sont indiscutables. Et le gamin qui a beau avoir 14 ans, il peut pas dire que le professeur a dit n'importe quoi. Alors je rêve. Mais est-ce qu'il est vrai dans tous les référentiels de d'abord. Et à propos de Twitter, le camarade Roger Mansuy vient de et qui nous écoute comme souvent en direct. Bonjour Roger. Vient de tweeter un message en disant un sondage en fait pour savoir si bien selon les gens qui le suivent, il est important de remettre de la cosmographie dans l'enseignement des mathématiques. Pour le moment, plutôt oui à 52%, mais plutôt non à 26% et NSP à 20%. On va suivre ce sondage. Mais qu'est-ce qu'ils veulent retirer ? C'est la bonne question. On va suivre ce sondage au fur et à mesure l'émission. Je vais parler tout à l'heure de Jean-Pierre Kahan, qui a passé l'agrégation, je crois, en 1947 ou quelque chose comme ça. Et il m'expliquait que lorsqu'il a passé l'agrégation en 1947, la question qu'il a eue, c'était les phases de la Lune. Donc sur l'agrégation de mathématiques, on pouvait être amené à discuter des phases de la Lune. Combien de personnes dans la rue aujourd'hui peuvent comprendre comment marchent les phases de la Lune ? Ça, je ne sais pas. Il faudrait mener une enquête. Mais en tout cas, je peux vous dire, Étienne Gis, qu'on va s'intéresser à ce théorème de Pythagore. On va peut-être même lui consacrer une émission d'une heure entière pour avoir l'histoire de cette démonstration. On va continuer à discuter avec vous. On va parler un peu de flocons de neige, puisque vous venez de publier un livre. Vous allez nous raconter pourquoi et comment on trouve des mathématiques dans les flocons de neige. On aura également un petit reportage et on va poursuivre cette conversation ô combien passionnante. Refermez le micro, je vais reprendre. Karmazon Illusion de Tohubohu à 16h37 sur France Culture. On a des discussions passionnantes avec Étienne Gis, même hors micro. Alors du coup, voilà, je reprends le micro et je me prends les pieds dans le tapis. C'est donc Étienne Gis, notre invité, mathématicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui publie La petite histoire des flocons de neige chez Odile Jacob. Il va bien en falloir en parler un peu de ces flocons de neige, Étienne Gis. Il va bien falloir que vous m'en disiez un mot. Pourquoi les flocons de neige? Alors pourquoi? D'abord parce que c'est beau. C'est très beau. Hein? D'autre part, parce qu'il y a une grande histoire. Et puis, il y a des aspects multiples. Il y a un aspect justement historique, un aspect en physique, en mathématiques, en informatique. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit une belle histoire. Et puis, c'est une histoire qui dure 5 siècles. Voilà, donc il y a tous les ingrédients. Et puis, on peut y raconter des choses assez simples. Et donc, j'étais contente de parler de tout ça. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas exactement ça, faire de la vulgarisation en mathématiques? Oui, oui, tout à fait. Sauf parce que vous avez l'air de dire que finalement, vous en avez un peu marre de ce livre, que ça y est. Non. Tout à l'heure, j'ai dit que je suis un peu frustré parce qu'en effet, les vrais travaux sur les vrais cristaux de neige sont beaucoup plus complexes. Je me suis astreint, par exemple, à ce qu'il n'y a aucune équation dans mon bouquin. Mais ça me démange les doigts d'en écrire. Mais en même temps, alors c'est passionnant parce que évidemment, comme tout, ces choses qu'on a sous le nez, auxquelles on ne pense pas, qu'on n'avait jamais interrogé. En fait, les flocons de neige, c'est même pas tout à fait résolu encore. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas exactement comment ils se forment et la raison de leur symétrie et de leur géométrie. Alors on connaît beaucoup de choses quand même. Hein. On connaît l'essentiel. Donc, ce qui m'a intéressé là-dedans, tout à l'heure, on parlait de système dynamique, qui est ma spécialité officielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'un flocon est une structure en croissance, qui se forme dans un nuage, qui va croître progressivement. Et puis quand elle est devenue suffisamment grosse, elle est trop lourde, et donc elle tombe et il neige. Voilà. Ce qui fait que la véritable nature du flocon de neige, du cristal de neige, c'est un objet en mouvement, en croissance. Et c'est cette croissance qui m'a intéressé, d'essayer de comprendre comment les physiciens, les mathématiciens peuvent modéliser la croissance d'un flocon. Et alors, vous racontez toute cette histoire, il va falloir que vous m'en disiez un mot, parce que déjà, moi j'ai été ravi d'apprendre que la première personne à avoir travaillé véritablement, ou en tout cas avoir s'être posé la question de ces flocons de neige et de leur nature, c'est Kepler. Ah, Kepler, mais dans ce bouquin, je parle de plein de gens. Kepler, c'est mon préféré. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord pour une raison très simple. Donc Kepler, on va rappeler en quelques mots. Oui, qui est Kepler ? Kepler est connu comme étant un astronome, voilà. Celui qui a écrit ses livres majeurs pour décrire les trajectoires des planètes. Mais il n'a pas fait que ça, il a fait plein d'autres choses. Et en particulier, un 31 décembre, traversant le pont Saint-Charles à Prague, cherchant une idée de cadeau pour son ami où il allait se rendre, reçoit un flocon de neige sur son manteau, regarde ce flocon, et il est absolument émerveillé de ce qu'il voit, et il dit « c'est ça que je vais offrir à mon ami ». Alors il décide d'écrire un petit livre qui fait 25 pages ou 26 pages, un petit livre sur les flocons. Et ce qui est vraiment merveilleux là-dedans, c'est qu'il y a tout le travail du scientifique. Il y a l'observation. Il observe un phénomène. Il y a le fait de se poser des questions. Mais quelles bonnes questions il se pose. Et ça, vous insistez là-dessus. Hein, vous dites... C'est extraordinaire. Il se pose des questions que personne n'avait. Et même, je suis sûr que vous avez déjà vu plein de flocons. Jamais vous avez dit, tiens, c'est plat. Personne ne veut. Il faut être un grand scientifique pour remarquer que le flocon est plat. Et vous dites particulièrement, Étienne Gis, que ce qui est important en science, dans la démarche scientifique, ce n'est pas tant de trouver les réponses, mais de poser les bonnes questions. C'est magnifique. Et alors, pourquoi j'aime bien Kepler en particulier ? Donc, il écrit ce livre. Et alors, sur la couverture de ce livre, il est marqué Johannes Kepler. Et en dessous, il marque ce dont il est le plus fier, mathématicien. Voilà. Autrement dit, lui se considérait ni comme astronome, ni comme physicien. C'était une époque où la science était la science. Hein. Et donc lui, il se pose la question en tant qu'observateur de la nature, en cherchant les symétries, les lois de la nature les plus simples possibles. Et quand on lit ces textes, c'est compliqué. Hein. C'est pas facile à lire Kepler. Quand on lit ces textes, on comprend qu'il cherche à comprendre l'œuvre de Dieu. Hein, comme dans toute l'histoire des sciences, très longtemps, Dieu était bien sûr omniprésent. Et on voit que Kepler essaye de décrypter la main de Dieu dans l'œuvre de la nature. C'est la même chose quand il observe les planètes. À chaque planète, il attribue une âme, une couleur, une musique, hein, la musique des sphères. Et même, par exemple, quand il observe les flocons, moi, je suis tout à fait admiratif. Quand Kepler observe le flocon, il pose la question, mais peut-être qu'ils sont vivants ? Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant ? Un être vivant, c'est quelque chose qui, en particulier, doit avoir la caractéristique de se reproduire. Et c'est bien ça que fait un flocon. Un flocon grandit. Et quand il va grandir, il va développer des branches, 6 branches typiquement, et ces 6 branches sont identiques. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce fait que les branches sont identiques ? Est-ce qu'elles parlent entre elles ? Est-ce qu'elles communiquent ? Est-ce qu'elles s'envoient des signaux ? C'est des questions majeures qu'on peut se poser encore en 2021. Hein. Voilà. Et qui ne sont pas d'ailleurs entièrement résolus, même si vous explicitez. Et c'est vrai que je dois dire que c'est extrêmement accessible et c'est assez passionnant à lire jusqu'à la compréhension de ces différents modèles, dont les derniers sont assez récents. Hein, le dernier, celui de Griffiths et Gravener, date de 2009. Oui. Alors là, c'est un peu un modèle mathématique dans le sens précisément abstrait, c'est-à-dire que ces deux mathématiciens ont inventé. Ont bricolé, on peut dire, un petit modèle qui peut se jouer, se tester sur un ordinateur, qui mime la croissance d'un cristal. Les règles du jeu sont finalement très très simples, beaucoup plus simples que la vraie physique. Ils ont pris des choses, moi j'appelle ça une caricature, ils ont cherché la substantifique moelle, ils ont fait quelque chose de très très simple. Et puis ils ont bidouillé un peu dans l'espoir que leur modèle allait créer quelque chose qui ressemble à des flocons. Eh ben non de non, ça ressemble vraiment à des flocons. Mmh. Autrement dit, grâce à des règles très très simples, ben, on fabrique des flocons sur un écran d'ordinateur qui sont totalement virtuels puisqu'ils sont sur l'ordinateur et qui sont vraiment proches des flocons. D'ailleurs, la blague qu'ils font, c'est très drôle, au lieu de dire des snowflakes, ils appellent ça des snowfakes. Fausse neige. Alors, l'une des caractéristiques de ces flocons, c'est qu'ils ont 6 branches et donc il y a évidemment toute cette question de la symétrie. On va pas avoir le temps d'entrer là-dedans, mais ce qui est assez amusant, c'est que dans les premières représentations, les premiers dessins de flocons, ils sont faits par un archevêque suédois du nom d'Olaf Manson, et alors ça n'a rien de scientifique, hein, c'est vraiment il y a des triangles, c'est très, toutes les formes sont imaginaires en fait, et parmi la forme des flocons, il met une main à 5 doigts. Oui, c'est drôle, hein, ouais. Drôle. Et c'est intéressant parce qu'en fait il n'avait pas complètement tort. Du coup, puisque avec les quasi-cristaux, on entre dans la symétrie d'ordre 5. Je vois, je suis tombé dans le piège. Et la symétrie d'ordre 5, c'est ce dont vous êtes allé parler, Céline Lezenne, avec Denis Gracias, qui est cristallographe à l'École supérieure de chimie à Paris. Bonjour Céline. Bravo. Bonjour Nicolas, les quasi-cristaux. Alors oui, contrairement à ce que leur nom indique, ils n'ont rien d'approximatif, mais ils répondent à une conformation très spéciale. Au lieu d'être de symétrie 2, 3, 4 ou 6, comme tous les autres cristaux, eh bien eux, les quasi-cristaux, ont une symétrie d'ordre 5, une configuration tout à fait interdite selon la théorie posée par les débuts de la cristallographie. Alors ces quasi-cristaux ont été découverts un peu par hasard par l'Israélien Dan Shatman en 1982. Une surprise si déroutante à l'époque qu'une controverse sur la réalité de ces objets avait filé sur plusieurs décennies, mais depuis on a réalisé qu'il existait bien des quasi-cristaux et on les étudie même à la fois d'un point de vue purement scientifique et aussi pour leurs propriétés qui intéressent beaucoup l'industrie des matériaux. Alors, les cristaux sont, par définition, si j'ose dire, et ça a très très bien marché pendant 2 siècles quand même, des objets périodiques dans l'espace, triplement périodiques, et donc, à cause de ça, et pour des raisons mathématiques assez simples, mais qu'on pourra pas développer ici, ça n'autorise que certaines symétries d'ordre 2, 3, 4 et 6, à l'exclusion de 5, et toute symétrie supérieure à 6. Or, dans ce matériau, on constate qu'il y a une symétrie pentagonale. Voilà. Donc, c'est un matériau qui ressemble tout à fait à un cristal, car il a une autre propriété qu'ont tous les cristaux. Il diffracte les rayons X. Dans le cas présent, c'était les électrons, mais c'est le même phénomène. Il diffracte, c'est-à-dire que quand on passe un rayonnement, ça produit des figures. Alors, quand on passe un rayonnement, au lieu que les particules du rayonnement se dispersent dans toutes les directions de l'espace, elles se concentrent dans certaines directions privilégiées. Et donc on savait que les cristaux diffractent. En gros, si j'ose dire, c'était même presque devenu la définition des cristaux depuis la découverte de Laue en 1912, von Laue. Donc la surprise de Shechtman, elle est extraordinaire, elle est totale. Il voit un objet qui diffracte, donc c'est un cristal, et qui diffracte dans une symétrie quinaire, 5, donc ce n'est pas un cristal. Alors, conclusion, il a fallu réviser la théorie ? Alors, le modèle très... Il y a un théorème très important qui est le théorème de Bohr. Alors, je le dis parce que c'est le frère de Niels Bohr. C'est ça, c'est Harald Bohr, hein, frère de Niels Bohr, qui est un mathématicien et qui s'était intéressé à ces objets qu'on appelle les objets presque périodiques. Des figures de cristaux qui sont assez familières avec ces symétries d'ordre 6. Oui. Et du coup, à côté, on peut voir à quoi ressemble un quasi-cristal en macro. Alors voilà un très beau quasi-cristal. Pourquoi les cristaux sont de l'objet périodique ? Ça date de 1784. C'est assez amusant, 1784, pour pas c'est un hasard, de l'abbé Ahuy qui avait cassé un cristal. Et donc voilà les morceaux. Et puis, il s'est aperçu que ce cristal, ces morceaux, ils avaient quelque chose en commun. C'est-à-dire que quand on regardait les angles, vous voyez, on pouvait tout mettre sur une même grille. Et cette grille, elle est périodique. c'est que la symétrie, il faut la regarder dans le, en fonction des normales aux faces, pas en fonction des faces. Les minéralogistes regardaient les facettes. Si vous regardez les dessins d'antan des cristaux, les facettes sont dessinées, sont extraordinairement belles. Mais là, les facettes, on s'en contrefout, si j'ose dire. Ce qui va compter, c'est l'orientation relative des facettes entre elles. Donc c'est les angles qui répondent à des valeurs très précises. Voilà, c'est ça. Alors là, on est devant des photographies qui représentent ces... Alors voilà les quasi-cristaux. Ces quasi-cristaux. Ça, c'est Schechmann. Alors voilà ce qu'il voit. Il voit des cellules d'aluminium, c'est ces machins-là. Et puis à l'intérieur, il voit des espèces de fleurs, voilà, regardez. Et on dirait, ça ressemble aux flocons de neige de mon ami Étienne. Sauf que ces flocons de neige, si vous regardez, ils ont une symétrie 5. Oui, c'est vrai, ils ont 5 bras, quoi. Oui, oui. Alors, vous voyez, c'est quand même des drôles de flocons de neige. Alors, en voilà encore. Vous voyez, c'est vu autrement, en microscopie électronique. Puis quand on va aller les regarder de très près, voilà la diffraction. Donc, elle est constituée de pentagones consécutifs. Vous voyez le pentagone ? C'est-à-dire qu'on a des taches qui sont organisées en cercle et en fait on peut leur associer ces formes pentagonales. Voilà, c'est-à-dire que vous commencez par dessiner un pentagone régulier. Ensuite, vous prenez la corde qu'on appelle la diagonale. Mais, De ces taches de diffraction. Oui, c'est ça. Et vous reconstruisez un nouveau pentagone. Vous le voyez, il est là. Ensuite, nous reprenons la corde ici et nous reconstruisons un pentagone. Vous le voyez, il est là. Et puis ensuite, à l'intérieur de chacun, en faisant ce dessin ici, nous retrouvons 5 spots ici. Vous les voyez ici aussi. Vous les voyez ici aussi. Ce qui est extraordinaire, c'est que en dessinant des pentagones et en construisant des pentagones qui sont tau étant le nombre d'or, fois plus grand qu'eux, et qui s'appuient sur les cordes de chacun, on reproduit l'intégralité de ce dessin. Alors évidemment, quand on observe ça, on comprend rien. On se dit, mais c'est pas possible. C'est quelque chose qui est impossible, mais qui est parfaitement cristallin. Si on en revient vraiment à la physique des matériaux, enfin en tout cas à la cristallographie, à la physique des matériaux, finalement, les quasi-cristaux existent, on l'a prouvé, et ils sont très pratiques dans le développement expérimental d'aujourd'hui pour synthétiser des nouveaux matériaux, propriétés plus intéressantes. C'est une bonne question. Au point de vue de la pratique, les quasi-cristaux sont durs et très cassants. Ce sont des objets intéressants pour renforcer des surfaces, par exemple. Ce sont des objets intéressants pour éventuellement faire des couches, des revêtements pour protéger des variations de température. Donc les quasi-cristaux ne se distinguent pas en propre dans ces propriétés-là. Ils sont l'optimum, mais ils ne sont pas seuls. D'accord ? Donc c'est tout ce qu'on appelle les alliages complexes intermétalliques. Ils présentent de nombreux avantages, mais qui ne sont pas propres uniquement qu'aux quasi-cristaux. Par contre, au point de vue des propriétés électroniques à basse température, là on peut quand même dire que le quasi-cristal, il est particulier. Voilà ce quasi-cristal de Denis Gracias, une réaction à ses travaux. Est-ce que vous venez d'entendre Étienne Gis ? D'abord, merci Denis, parce que je trouve qu'il a présenté un point de vue extrêmement physique. Peut-être que je peux ajouter, mais je crois qu'il serait d'accord avec moi, c'est que cette découverte des quasi-cristaux, qui est une belle aventure des années 80, cette découverte a été en quelque sorte commune aux mathématiciens et aux physiciens. Il y avait les physiciens expérimentateurs dont il a parlé aujourd'hui. Et puis il y a un certain nombre de mathématiciens, en particulier Yves Meyer, qui a eu le prix Abel il n'y a pas si longtemps, était aussi un précurseur de ces quasi-cristaux. Donc c'est encore une aventure, c'est difficile à dire si c'est plus des maths ou de la physique. Étienne Gis, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Je ne vais pas vous lâcher tant que vous ne nous aurez pas donné quelques conseils à nous, vulgarisateurs, aux gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, quelle serait selon vous la recette pour mieux transmettre, pour mieux considérer, pour mieux intégrer les mathématiques à la culture scientifique? Voilà, la première réponse, on en a déjà parlé, c'est de raconter une histoire. Et c'est ce qu'on fait en général. Mais je veux dire une histoire au sens historique, c'est-à-dire qui remonte très très loin. C'est pas toujours le cas. Je pense que les mathématiques sont absolument parfaites pour qu'on les raconte à travers leur développement progressif depuis les Grecs, ou même encore avant les Grecs. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en effet, toutes les parties des mathématiques ne se vulgarisent pas. Et donc, les mathématiques les plus faciles à vulgariser sont sans aucun doute celles qui sont les plus proches du concret, de la physique, de la biologie. On a essayé, il n'y a pas si longtemps que ça, de raconter l'histoire de la fonction exponentielle, puisqu'on en parlait beaucoup suite à l'évolution de la pandémie. On parlait beaucoup d'exponentielle pour essayer de comprendre d'où ça venait, de raconter l'histoire. Grâce au camarade Roger Mansuy, encore lui, décidément, on a réussi à s'en sortir, mais ça a été un peu ardu. Mais je vais vous dire, j'ai eu l'occasion d'aider un élève de première à suivre ses cours sur l'exponentielle. Et alors, dans les cours de mathématiques, dans le programme officiel, on appelle exponentielle l'unique fonction qui est égale à sa dérivée et qui vaut 1 pour x égale 0. Et bon, on faisait des exercices, tout allait bien, l'élève avait tout compris, tout marchait bien. Sauf qu'à la fin, je lui ai demandé s'il y avait un rapport entre cette exponentielle et celle dont on parlait dans toutes les télévisions et toutes les radios et tous les journaux en ce moment. Et le lien n'était pas fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un excellent élève au lycée, on peut très bien avoir une très bonne note sur l'exponentielle, sans pour autant comprendre ce qu'est l'exponentielle dans le cas du développement d'une épidémie. Tellement de journalistes, mais pas vous, mais tellement de journalistes et tellement de bêtises sur l'exponentielle en ce moment que ça rend malheureux tous les mathématiciens. Et vous disiez aussi pour alors peut-être ça c'est pour la vulgarisation aujourd'hui si vous deviez vous adresser aux enseignants de mathématiques comment est-ce que on évite de rentrer dans ces mathématiques punitives, est-ce qu'on peut éviter de rentrer dans cette logique des mathématiques abstraites punitives telles que vous les décrivez avec le programme qui est celui d'aujourd'hui? La grande difficulté c'est que bien entendu les enseignants sont soumis à tellement de contraintes qui sont tellement variées. Par exemple, l'autre jour, quand on a vu ce fait divers abominable d'un adolescent qui assassine un autre adolescent, on se dit mais les profs sont soumis à d'autres questions que le théorème de Pythagore et ils ont des tas de choses très très difficiles à régler. Donc c'est pas facile pour eux. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que je suis solidaire, ils ont une vie qui est très très difficile. Puis la deuxième chose, je sais pas, peut-être que je vais faire un peu de publicité. Je vous en prie. Voilà, il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion d'inaugurer un site internet qui s'appelle Images des mathématiques, qui a comme but de proposer, je crois qu'il y a plusieurs milliers maintenant d'articles, un certain nombre de visions sur les mathématiques à tous les niveaux possibles. D'ailleurs, chaque article a une petite couleur, comme les pistes de ski. Ça peut être en vert, en rouge, en noir, etc. Voilà, donc je conseillerais aux enseignants d'aller se promener sur ce site internet. On va trouver le lien et on va vous le mettre sur le fil Twitter de notre émission. Est-ce qu'il faut en passer par une refonte des programmes, à votre avis, pour conclure, Étienne Gis? Si, j'ai combien de temps pour conclure? 30 secondes. Alors, c'est chrono. Non, là, la question est très, très complexe. Donc, oui, il faudrait repenser les programmes, mais ça ne sera pas la solution universelle, c'est complètement clair. Il faut voir, je suis en train d'essayer de rechercher le petit sondage pour savoir où on en est, de savoir s'il a été jugé utile ou non. Ah, bien voilà, de réintroduire la cosmographie dans l'enseignement des mathématiques. Sondage à la fin de l'émission, oui à 50,9%, non, ce ne sont pas des mathématiques à 28,2%. C'est intéressant, c'est intéressant. NSP 20%. En tout cas, autour de vous, demandez à vos proches s'ils ont compris comment ça marche les phases de la Lune. Et ça sera déjà pas mal. En tout cas, si vous voulez comprendre comment ça marche, les flocons de neige, eh bien, je vous recommande chaleureusement La petite histoire des flocons de neige d'Étienne Gis chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Étienne Gis, d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Pour cette heure. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Sylvain Latu à la technique. Demain, ce sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera notamment question de la vie sociale des coléoptères, de l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, The Dig, et de plein d'autres choses qui sont dans l'actualité des sciences. Mais évidemment, un peu de Covid, parce que sinon ce serait pas drôle. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture.